الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. فهذه أمثلة أخرى تبين لنا مدى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله. أولئك القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نحبهم وأن نقتدي بهم، لأن هذا هو الصراط المستقيم الذي أوجبه الله علينا، أوجب الله علينا طلبه منه سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا نفلها وفرضها. نقول دائما: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأول من يدخل في الصديقين صحابة رسول الله، وأول من يدخل في الشهداء صحابة رسول الله، وأول من يدخل في الصالحين صحابة رسول الله. فنحن في كل صلاة نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويثبتنا على الصراط المستقيم الذي هو طريق صحب رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولذلك لما سئل أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى عن الصراط المستقيم قال أبو بكر وعمر، فتعجب الرجل فذهب إلى الحسن البصري وقال له: إن أبا العالي يقول إن الصراط المستقيم أبا بكر وعمر. قال: صدق ونصح، أي هو من الصادقين ومن الناصحين لك، إذا اتبعت طريق أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم. فهنا الله سبحانه وتعالى لونج الله سبحانه وتعالى كي نوزا غيوني دون سون اوبيسونس dans cette mosquée d'Abu Darda, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse dans le delà, dans la maison du Sidi Lis. Voici encore d'autres exemples qui nous prouvent l'amour, le grand amour qu'avaient les nobles compagnons radhiyallahu anhum pour les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que nous reconnaissions la valeur de ces hommes, leur place auprès d'Allah azza wa jalla. Il faut qu'on les aime, il faut qu'on les suive et qu'on les prenne comme modèle. Pourquoi? Parce que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour nous de lui demander dans chacune de nos prières, qui soit surrogatoire ou obligatoire, dans chacune de chaque rak'at, de lui demander de nous raffermir et de nous guider sur la voie droite. Hein? Et la voie droite, parmi ses significations, ce sont les nobles compagnons d'Allah alayhim. La voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli de ses bienfaits. Et ceci, on le trouve dans l'autre verset où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset: ceux qui obéissent à Allah et son messager, ceux-là font partie parmi ceux qui sont comblés par les bienfaits d'Allah, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, qui est bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Et à la tête des véridiques vient les nobles compagnons d'Allah alim, et à leur tête le véridique des véridiques après les prophètes alim, Abu Bakr radiallahu anhu arda. Et à la tête des martyrs vient les nobles compagnons d'Allah alim, et à la tête des vertueux vient les nobles compagnons d'Allah alim après les prophètes alim. Dans chacune de nos prières, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous raffermir sur cette voie de ces nobles compagnons d'Allah alim. Hein? D'où l'importance de connaître la voie sur laquelle ils étaient, leurs qualités, leurs croyances, leurs comportements, comment ils aimaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons vu que l'un des droits du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de croire en le messager, et après le fait de l'aimer. Nous avons cité certains exemple, et voici d'autres exemples. Et méditez cet exemple qui va venir maintenant, il est percutant. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين والغلام من لم يبلغ بعد فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فغمزاني أحدهما فقال يا عما تعرف أبا جهل فقلت نعم وما حاجتك إليه قال الغلام أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي أي جسدي سواده أي جسده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لميثاها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه قال كل منهما أنا قتلته رواه البخاري هذا فرعون قريش يقتله صبيان لم يبلغ العلم بعده فقارن فعلها هذين الغلامين بمواقف من يسمع ويقرأ الاستهزاء والسخرية برسول الله وبسنتي ولا يحرك ذلك فيه شيئا بل لعله يزيد الطين باللثا ويقول لك حرية التعبير وحرية الفكر ويجب أن نحترم فكر الآخرين واعتقادات الآخرين وما إلى ذلك من الترهات والله المستعان. Regardez, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, cet exemple qui est percutant. Ce qui est rapporté, il est rapporté par l'imam Bukhari. Abdurrahman ibn Auf dit, le jour de la bataille de Badr, j'étais dans le rang des combattants. J'ai regardé à ma droite, il y avait un jeune garçon, qui n'est pas pubère, Roulin. Et à ma droite, un autre. Et à ma gauche, un autre. Parmi les jeunes garçons de l'Ansari. De la tribu de Ansar, ils étaient très jeunes. L'un d'eux m'a fait signe, il m'a dit, oncle, tu connais Abu Jahl? Je lui dis oui. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Le jeune garçon me dit, il m'a été rapporté qu'il a insulté le messager d'Allah par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si je le vois, mon corps ne quittera pas son corps jusqu'à ce que le plus rapide parmi nous meurt. Il dit, cela m'a étonné. L'autre jeune, de l'autre côté, ma piscine aussi. Et il m'a dit la même chose. Quand j'ai vu Abu Jahl tourner au milieu de ses troupes, j'ai dit au petit jeune garçon, voici votre compagnon que vous cherchez. Il est là, il est devant vous. Ils sont allés droit sur lui, en le frappant tous les deux avec leurs épées. Et chacun d'eux disait, c'est moi qui l'ai tué. Regardez, Pharaon de Quraysh, il a eu son compte par deux petits jeunes qui ne sont pas pubères. Mais dites maintenant la réaction et l'acte de ces jeunes garçons qui ne sont pas pubères et l'amour qu'ils avaient pour le messager alayhi salam et comment ils ne supportaient pas que quelqu'un insulte le messager alayhi salam ou parle mal sur le messager alayhi salam. Et qu'on parlait avec nos contemporains, avec leurs diplômes d'intellectuels ou autres, avec des bacs plus 10, plus 15, et dont l'esprit a été pollué par la culture, par la poubelle de la culture occidentale, quand certains journaux se moquent du messager alayhi salam, ou de la religion d'Allah, ils n'ont aucune réaction. Ils rajoutent de l'eau à la boue en plus, en disant c'est la liberté d'expression. Il faut respecter les convictions des autres. Il faut respecter les croyances des autres, et ainsi de suite. وهذا صحابي آخر وهذا يبين لنا مدى لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أولئكم الرجال لصحبة نبيه ونصرة دينه؟ فاختار خيرة البشرية بعد الأنبياء سبحانه وتعالى لخيرة الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. هذا صحابي آخر أخذه الكفار في مكة وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا له وهو تحت التعذيب: أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك ومالك؟ فصاح فيهم وقال وهو تحت التعذيب: والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي معي عافية الدنيا ونعيمها. ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، وهذا ذكره أبو نعيم رحمه الله تعالى والطبراني في الكبير. وفيه قال القائل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلك وهو لا زال على كفره: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا رضوان الله عليهم أجمعين. إيه أبو نعيم دون حليان سيكو التبرين دون معجم الكبير غابورت كان كومبانيون ايتي بخي بارلي مكريون على مك qui lui ont fait subir toute forme d'horrible torture, point que, dont certaines versions racontent qu'il était sur du feu et que sa chair tombait sur le feu. C'est elle qui éteignait le feu. Comme s'il faisait un méchoui. Donc les mécréants à la Mecque lui font subir de toute forme d'horrible torture. Alors qu'ils étaient en train de le torturer, ils lui disent: est-ce que tu n'aimerais pas que Mohammed soit à ta place et que tu sois dans ton confort chez toi avec les tiens? Et il leur a crié dessus en étant sous la torture, il leur a crié dessus en disant: par Allah, je n'aimerais pas être avec ma famille dans mon confort et que le messager d'Allah soit touché d'une épine. Regardez. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Il a choisi cette élite de l'humanité pour être les vizirs de la plus noble des créatures, le plus grand des messagers et le dernier des messagers, le plus honorable parmi eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait, que leur voix, c'est la voix qui mène vers son agrément subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le poète a dit, Quraysh avait emprisonné un musulman et il est parti vers celui qui va lui couper la tête, sans peur, sans crainte, sans réaction. À l'aise, il est parti le voir. Ils lui ont posé la question: est-ce que tu n'aimerais pas être épargné, être sain et sauf, et que le prophète soit à ta place? Il a dit: par Allah, je n'aimerais pas être dans mon confort et que le prophète, alayhi salam, que le nez du prophète, alayhi salam, saigne. Quand Abu Sufyan, à cette époque, il était encore dans la mécréance que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Quand il a entendu cette parole, il a dit: par Allah, je n'ai pas vu quelqu'un aimer quelqu'un d'autre comme les compagnons de Muhammad alayhi sallam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهنا أمر مهم يجب أن ننتبه له. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في اتباعه والتأسي به والتمسك به وسلوك منهجه. هذه المحبة، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء عن الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في الزهد أنه قال: كانوا يقولون، من صحابة رسول الله، كانوا يقولون: يا رسول الله، إلا إنا لنحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء محبة الله تبارك وتعالى هي الأصل، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن هذا الأصل، فمن أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعه. ولذلك لما قالت اليهود إبراهيم عليه السلام منا، وقالت النصارى إبراهيم عليه السلام منا، كذبهم الله ورد عليهم، فقال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال رب العزة سبحانه وتعالى مبينا من أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ليس من يدعي. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام في موضع آخر فمن تبعني فإنه مني. ولذلك يقول أهل العلم إن أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعونه ويتمسكون بسنته، أما الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون سنته ومنهجه فهؤلاء من أكذب الناس. وفي رد الله سبحانه وتعالى على اليهود وعلى النصارى فيه رد على هذه الديانة المزعومة التي تسمى بالإبراهيمية. ها؟ فما هي إلا الحنيفية السمحاء، دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله سبحانه وتعالى به كل الأديان، فغير هذا الدين لا يقبله الله سبحانه وتعالى مهما كان الذي مهما كانت منزلة الذي أتى به. إن الدين عند الله الإسلام. فلنقارن الآن حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفعل في المساجد في أيام التي يسمى يزعمون فيها المولد النبوي. هذه الاحتفالات بمولده صلى الله عليه وسلم بزعم حبه، هذا زعم، احتفالات تنشد فيها أبيات فيها الشرك البواح، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لمحاربة الشرك ولإقامة التوحيد، كقول البوصري في برضته والتي تقرأ في هذه الاحتفالات فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فماذا تركوا لله؟ إذا كانت الدنيا وضرتها التي هي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لله؟ وإذا كان علم اللوح والقلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لله عز وجل؟ أعوذ بالله. وبين أهل العلم أن هذا الكلام مخالف لكلام رب العزة سبحانه وتعالى، إذ يقول سبحانه وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى، أي هذه التي تزعمون الدنيا وضرتها فهي لله سبحانه وتعالى، وإن لنا للآخرة والأولى. فالدنيا والآخرة هي من الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى، وليست من جود وكرم محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، إذ لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إطراء ومبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم الغيب الذي في اللوح المحفوظ. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم على هذا الإطراء والمبالغة في مدحه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لامور شوز دواتي غير نوتر اتونسيون سي كو لامور دو ميساج عليه الصلاه والسلام سو رياليز بار لو فيت دو لو بروند كوم موديل بار لو فيت دو لو سويفر اي دو سويفر سا فوا كوم سولا اي رولاتي دون certains versets, comme dans Surat al-Imran, dont la traduction nous dit cela, la traduction approximative, dis-leur à Muhammad, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Suivez qui? Muhammad alayhi salatu wa salam. Il a été rapporté de Hassan al-Basri, comme c'est relaté chez Ibn Abi Hatim dans Zuhd, que des gens disaient, ô messager d'Allah, nous aimons Allah. Allah a voulu mettre un signe à leur amour et il a révélé ce verset. Les savants disent que l'amour d'Allah, c'est la base. Et l'amour du messager est une des branches de cette base. Donc celui qui aime Allah doit aimer son messager, alayhi salatu wa salam. Et celui qui aime son messager, alayhi salatu wa salam, il doit le suivre et le prendre comme modèle. Les juifs ont dit, ainsi que les chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répliqué tous les deux. On dit Ibrahim alayhi salam est des nôtres. Les juifs et les chrétiens ont dit cela. Allah subhanahu wa ta'ala a refuté leurs prétentions et leur dire. Dans le verset nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Ibrahim ne fut ni juif, ni chrétien. Mais c'est un monothéiste pur et sincère, entièrement soumis à Allah. Il ne fut point du nombre des polythéistes. Hein? Et puis, le souverain subhanahu wa ta'ala, après en clarifiant qui a le droit de s'affilier à Ibrahim alayhi salatu wa salam, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, les hommes les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, Muhammad alayhi salatu wa salam, et ceux qui ont cru en lui, et c'est Allah l'allié des croyants. Par le biais d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, il est dit dans le verset aussi, dans un autre passage, hein, dont la traduction approximative nous dit cela, quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Dans ces versets, il y a la réplique à cette tendance nouvelle ou à cette religion nouvelle qu'on veut imposer au monde musulman, qui est l'Ibrahimiya ou la religion abrahamique. Hein? Ibrahim était monothéiste. Ibrahim était loin, ne faisait pas partie des associateurs. Et là, dans Ibrahim, il a prétendu Ibrahimiya, on lit tout, le bouddhisme, la trinité, tout, et on met tout à pied d'égalité avec l'islam. Et tout ceci, tout simplement, pour détruire la religion musulmane et pour combattre cette religion. C'est pour cela, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, que les savants ont dit que ceux qui ont le droit de s'affilier à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui le suivent. Et ceux qui l'aiment le plus, et ceux qui aiment le plus Muhammad alayhi salatu wa sallam, ce sont ceux qui le suivent et qui se cramponnent à sa voix et à ce sunnah. Quant à ceux qui prétendent aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont en divergence avec sa sunnah, ils ne le suivent pas, ceux-là sont des grands menteurs. Énormes menteurs. Hein? Et si on fait une comparaison entre l'amour qu'avaient les nobles compagnons d'Allah alayhim pour le messager d'Allah et ceux qui prétendent aimer le messager d'Allah et qui, soi-disant, prouvent ce prétendu amour par la célébration de cette prétendue fête qui est une innovation complète du Mouloud, hein, on voit l'énorme différence entre l'amour des nobles compagnons d'Allah alayhim et le prétendu amour de ceux qui célèbrent le Mouloud. Il y a un énorme fossé. C'est la nuit et le jour. Ça n'a rien à voir. Durant cette prétendue fête, se récitent des poèmes pleins de polythéisme. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour combattre le polythéisme, et il a combattu le polythéisme jusqu'au dernier jour de sa vie. Hein? Alors, dans sa maladie de la mort, il disait, hein, malédiction aux juifs, ils ont pris les tombes de leurs messagers comme mosquées. نتيجو العيادة بالله إلى دو البوام دو لابورد دو البوصيري كي سولي ديغون سيت بريتوندو سيليبراسيون ان فير دو سيت بويزي دي دي سولا ان بارلون دو ميساج عليه الصلاة والسلام fait partie de ta générosité ce bas monde et sa co-épouse. C'est-à-dire que ce bas monde est ce qu'il contient, sa co-épouse qui est le delà, c'est la générosité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il fait partie de ta science, la science du crayon et de la planche préservée. C'est-à-dire l'or préservé par Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon, il lui a dit, crie ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Il fait partie de la science de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est concevable cela? L'ayadhan billah. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces cas-là? C'est ce bas monde, et sa co-épouse, le delà. C'est la générosité de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il a la science de la science préservée. Hein? L'ayadhan billah. Regardez, quand on perd sa raison, et quand on est, quand on a sa conscience anesthésiée par des légendes et par le suivi aveugle des hommes, on arrive à ce point-là et à gober des âneries comme celle-ci. Et cela doit éveiller notre reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir évité d'être dans le filet de ces gens-là, hein, et d'être accaparé, que notre esprit soit accaparé par ceux qui nous orientent vers une adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir pour ce grand bienfait. Hein? Les savants ont refuté cela avec preuve du Coran et de la Sunna. Car on est en face de paroles qui sont en divergence avec la parole d'Allah. Il est dit dans le verset, « Wa inna lana l'akhirata wal oula » La traduction approximative du sens du verset, « Et c'est à nous qu'appartient la vie future et la vie présente. » Hein? C'est la parole d'Allah. La traduction de la approximative du sens de la parole d'Allah. Donc ce bas monde et sa co-épouse, il appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement. Hein? Ce bas monde et sa co-épouse, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas, ils ne font pas partie de la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'il y a dans la planche préservée, à part les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélées et lui a fait connaître. C'est tout. Et il n'y a aucun doute que ceci est une exagération blâmable dans la façon de faire les éloges du messager alayhi sallatou salam. En plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer dans ses éloges. Dans le hadith authentique, le messager d'Allah a dit, ne m'élevez pas comme les chrétiens ont élevé Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un soumis. Dites, soumis messager d'Allah. Voilà ce qu'il nous a enseigné alayhi sallatou salam. صلوات ربي وسلامه عليه. فالحب إخوة الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتأسي. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. هناك عمل ولكن الناس تتفاوت في العمل. هل عمل أبو بكر كعمل أنس؟ أبدا. ها أبو بكر في القمة، ها في الأعمال في الإيمان في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، والناس تتفاوت في أعمالها. فالحب ليس كلمة تقال أو شعار يرفع أبدا، إنما هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع لسنته. وقال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، رواه البخاري. وترى ها العمل لابد ها، لأن العمل من الإيمان. وقال أبو ذر يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، ها دائما العمل. قال صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال أبو ذر فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. فأعادها أبو ذر، فأعاده عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه. ها والحديث صحيح في صحيح الجامع وعند أبي داود وغيرهم. Donc, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du messager alayhi salatu wasalam se réalise par le fait de le suivre et de le prendre comme modèle. Et celui qui aura aimé le prophète alayhi salatu wasalam de l'amour légiféré en le suivant sera avec lui au paradis. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant c'est quand la fin du temps? C'est quand il y aura la résurrection? Le prophète alayhi salatu wasalam l'a regardé et lui a dit qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Tu as préparé quoi? C'est quoi tes prévisions pour, hein, pour la fin des temps? L'homme a dit rien, sauf que j'aime Allah et son messager. Le prophète lui a dit tu seras avec ce que tu aimes. Tu seras avec ce que tu as aimé. Anas a dit, en entendant cela, moi, j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'aimerais par mon amour être en leur compagnie, malgré que je n'ai pas leurs œuvres. Cela te prouve quoi? Que l'amour, ce n'est pas une prétention. Ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas un slogan. Ce sont des actes. Hein? Dans un hadith chez le Bukhari, un homme a dit, ô messager d'Allah, l'homme aime un autre homme pour les œuvres du bien qu'il accomplit et qu'il réalise. Mais il n'œuvre pas comme lui. Le prophète lui a dit, l'être sera avec ceux qu'il aime. Hada, il arrive à accomplir, et l'autre il n'arrive pas à accomplir. Mais il aime celui-là pour les œuvres qu'il accomplit du bien. Et lui, il n'a pas les capacités. Hein? Il n'arrive pas à faire ce qu'il fait, mais il sera avec lui pour cet amour qu'il a pour lui. Hein? Il l'a pour lui pourquoi? Pour les bonnes œuvres qu'il fait, pour son suivi du messager alayhi salatu wasalam, pour sa bonne aqida. Hein? Dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Sahih al-Jami' chez Abu Daoud, Abu Dharr radiyallahu anhu warda a dit ô messager d'Allah, l'homme aime des gens, mais il ne peut pas accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. Chaque fois, il y a les œuvres. Hein? Mais l'homme aime des gens, mais il ne peut pas accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. Le prophète lui a dit, ô Abu Dharr, tu es avec ce que tu aimes. Abu Dharr a dit, j'aime Allah et son messager. Le prophète a dit, tu es avec ce que tu aimes. Abu Dharr a répété cela plusieurs fois. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui répète la même chose. Wa ilaykum kalaman li shaykhina shaykh Abdallah hafidhahullah min muhadarati haqqi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala hafidhahullah ta'ala wa matta'adih wa mahabbatu rasul sallallahu alayhi wa sallam laysat shi'aran yurfa' innama hiya haqiqatun tuttaba' wa manhajun yuslak وطريقة يسار عليها فالله أوجب لنبينا حقوقا له علينا تقع بالقلب واللسان والجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الأخناق حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين، ويقول في المجموع كما أن محبته هي أصل الدين فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه يكون بنقصها. وذكر يقول الشيخ عبد الله وذكر العلماء أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. فالأولى درجة المقتصدين، المحبة الواجبة درجة المقتصدين، والثانية درجة السابقين. والأولى تقتضي، أي المحبة الواجبة تقتضي أن يحب المرء النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، ولا يقدم على حبه حب أحد من الخلق أجمعين، فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، فليحب رسول الله وليحب ما يحبه الرسول وليبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال حفظه الله: هذه درجة ومحبة المقتصدين وهي الواجبة. أما محبة السابقين فهي أن يحب المرء المؤمن المطيع المتبع ما أحبه الله ورسوله من نوافل الأعمال محبة تامة، ويسعى جاهدا في إتمامها وكمالها والإتيان بها على الوجه التام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: متع الله به ونفع به وبعلمه. والناس في فهمهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسمان أو طرفان ووسط، أهل إفراط وأهل تفريط. فقسم قصروا في تحقيق هذا المقام، فلم يراعوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقوموا به، ولم يقدموا محبته على محبة أنفسهم أو على محبة أولادهم أو على محبة بعض الخلائق، بل منهم من لم يراعي حقوقا أخرى كالتعزير والتوقير والنصرة والاتباع الصادق للنبي، بل منهم من شط وشطط فسلبه حق الرسالة والعياذ بالله. وقسم بالغوا في المحبة فشرعوا أمورا لم ترد بها سنة، ولم يأتي بها كتاب، ولم يجري بها عمل صحابة رسول الله، ويظن هؤلاء وأولئك أنهم يحسنون صنعا. وقال حفظه الله: وهذا التعدي من الطرفين له أسباب لعل من أهمها: أولا الإعراض عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما لشهوة أو شبهة، الثاني الجهل بكثير من أمور الدين ومنها حقوقه صلى الله عليه وسلم، الثالث اعتقاد بعضهم أن مجرد التصديق كاف في تحقيق المحبة دون بقية الحقوق. قال: وأما القسم الثالث فهم الذين توسطوا بين الطرفين فسلكوا الطريقة المرضية والمسلوكة على السوية من صحابة رسول الله والتابعين ومن صار على منهاجهم، فهم آمنوا بوجوب المحبة حكما وقاموا بمقتضاها قولا وعملا واعتقالا واعتقادا، بذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وعلموا أن محبته فوق محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، وعلموا أنه أولى بهم من أنفسهم ففدوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم. قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقول حفظه الله: قاموا بمقتضى هذه المحبة كما قلنا قولا وعملا واعتقادا من غير إفراط ولا تفريط بحسب استطاعتهم، وتمثلوا أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو محل تأس واقتداء واكتفاء فلم يتجاوزوا ما أمروا به نزلوه منزلته التي أنزله الله إياها. قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول حفظه الله: فكل غلو في حقه هو ليس من محبته، ولو تظاهر الناس بالمحبة بل يجب الابتعاد عنه لأنه مخالف لما أمر به، وكل تقصير يجب أن يلحق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام لأنه خلل كبير وصاحبه على خطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وحفظه ومتع به من محاضرته بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة رسالة صغيرة. Et je passe un petit résumé de la conférence de notre cheikh, de notre noble cheikh, Cheikh Abdallah al-Bukhari. Cette conférence qui existe maintenant, on a une petite épître qui s'appelle le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'amour du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. N'est pas un slogan, n'est pas une devise, n'est pas une pancarte qu'on lève, mais c'est une réalité qui doit être concrétisée par le suivi, une voie qui doit être entreprise. Allah nous a instauré des obligations vis-à-vis de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a des droits sur nous qui s'accomplissent par le cœur, par la langue et par les membres du corps. Il dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dans la réplique qu'il a fait à l'Akhna'i, a dit, l'amour du prophète alayhi salam est l'une des grandes obligations de la religion. Et il a dit dans le recueil des fatawa, comme l'amour du prophète alayhi salam est la base de la religion de l'individu sera complète. Si son amour du prophète est complet. Il sera diminué si son amour du prophète alayhi salam est diminué. Fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Les savants ont cité que l'amour du prophète alayhi salam est de deux sortes. L'amour obligatoire et l'amour surrogatoire. L'amour obligatoire, c'est l'amour démodéré. Et le deuxième, c'est l'amour du devancier, ce qui accourt vers les bonnes œuvres. Le premier, l'amour démodéré, l'amour obligatoire, il faut que l'être aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa personne, plus que ses parents, plus que ses enfants et tous les gens. Il ne doit pas mettre l'amour d'une créature au-dessus de l'amour du prophète alayhi wa sallam. Il ne doit pas aimer. Il ne doit aimer que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce que le messager d'Allah aime. Car l'amour du messager alayhi salam est une des branches de l'amour d'Allah. Donc, il doit aimer le messager d'Allah et aimer ce que le messager d'Allah aime. Et il doit détester ce qu'Allah et son messager détestent. Et il a cité le verset dans la traduction approximative du sens du verset nous dit: tu ne trouveras pas des gens qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ce qui vient d'être cité, c'est l'amour obligatoire, qui est celui des modérés dans leur religion. Quant à l'amour surrogatoire, qui implique l'obligatoire plus autre chose, l'amour des devanciers, en plus de l'amour obligatoire, c'est que le croyant, obéissant, suit ce qu'Allah et son messager aiment parmi les œuvres et les paroles surrogatoires d'un amour complet et fait tous les efforts pour les accomplir et les compléter en les pratiquant comme il se doit pour qu'ils soient conformes à ce qui a été rapporté et il les réalise et il les fait pour que, de façon à ce que ses actes et ses paroles soient conformes à ce qui est rapporté du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Les gens sont divisés en trois catégories face à l'amour du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Deux extrêmes et un juste milieu. Une partie qui exagère et une autre qui est laxiste. Et la meilleure, c'est celle qui est dans le juste milieu. Une partie qui a été laxiste à ce niveau n'ont pas pris en considération les droits du messager sallallahu alayhi wa sallam. et ils ne les ont pas accomplis. Et ils n'ont pas mis l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'amour de leur personne, ou de leurs enfants, ou de certaines créatures. Parmi eux, certains qui n'ont même pas pris en considération d'autres droits, comme le fait de respecter le messager, de le défendre, de faire triompher sa sunna, de le suivre véridiquement. Et certains sont allés encore plus loin. Ils ne lui ont pas reconnu le message, qu'Allah nous en préserve. Et d'autres ont exagéré dans l'amour du prophète alayhi salam, au point de légiférer des choses qui ne sont ni dans la sunna, ni dans le livre d'Allah, et qui n'ont pas été pratiquées par les compagnons ridwanullah alayhim, et toutes ces catégories croient qu'ils sont dans le bien. Ces deux catégories, les deux croient qu'ils sont dans le bien. Cette injustice de ces deux catégories, de ces deux extrêmes, a des causes. Parmi ces causes, la première, le fait de se détourner de la sunna du prophète alayhi salam et de ne pas la suivre, soit par tentation ou par ambiguïté. Deuxième point, l'ignorance de beaucoup de choses de la religion et parmi ceci l'ignorance des droits du prophète alayhi salam et de certains droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, certains croient que le fait d'attester la véracité du messager sallallahu alayhi wa sallam suffit pour réaliser l'amour de celui-ci sans l'accomplissement des autres droits. Quant à la troisième catégorie, ceux du juste milieu, ceux qui ont pris la voie agréée par Allah, la voie droite, la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim, et de ceux qui les ont suivis à la perfection, ben ils ont cru en l'obligation de l'amour du messager alayhi wa sallam. Ils ont accompli ces obligations au niveau, que ce soit au niveau de leurs paroles, au niveau de leurs actes, au niveau de leurs croyances. Et ils ont tout sacrifié pour faire triompher le messager d'Allah et faire triompher sa sunnah. Ils ont sacrifié leur personne, leur fortune. Et ils ont compris que son amour doit être au-dessus de tout autre amour. Et ils ont compris que le messager d'Allah a plus de droits sur eux qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et il a cité le verset Hafidhallahu Ta'ala, dont la traduction nous dit cela, la traduction approximative du sens du verset. Il ne convient pas, ni aux habitants de Médine, ni aux bédouins qui les entourent, de faire défection au messager d'Allah et de préférer leur personne à la sienne. Et il a dit Hafidhallahu Ta'ala, donc ceux du juste milieu ont accompli les obligations de cet amour au niveau de leurs paroles, au niveau de leurs actes, au niveau de leurs croyances, sans exagération et sans laxisme, selon leurs capacités. Ils se sont soumis à ce qui a été ramené et transmis par le messager sallallahu alayhi wa sallam, car il est le guide, il est pour eux le guide, il est pour eux le modèle qui doit être suivi. Ils n'ont pas dépassé ce qui leur a été ordonné. Et ils ont mis le messager d'Allah à la place où Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis. Et il a cité le verset, dis-leur et à Muhammad dans la traduction approximative du sens du verset, dis-leur, je ne peux pas obtenir un bien pour moi, ni me prémunir contre un mal que si Allah le veut. Si d'ailleurs je connaissais l'invisible, je me serais préoccupé, je me serais procuré tout le bien et je me serais préservé de tout mal. Je ne suis qu'un avertisseur contre l'enfer et un annonciateur du paradis pour ceux qui croient. Il dit, Habidallah, donc toute exagération sur le prophète alayhi salatu wassalam ne fait pas partie de l'amour qui lui est dû alayhi salatu wassalam. Il dit, même si les gens prétendent l'aimer, il faut s'éloigner de toute forme d'exagération, car il est en divergence avec les ordres du messager alayhi salatu wassalam. Et toute négligence vis-à-vis du messager alayhi salatu wassalam doit être rattrapée, réparée, car c'est un énorme danger, et c'est une grande lacune, et c'est une situation dangereuse dans laquelle se trouve la personne. Fin des citations, des paroles, de ce qui évolue des paroles de notre noble cheikh, Cheikh Abdallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve.